Bango tobobo Bayuma ba swapante ba kebere Y compris na ba duro Ba wadie Ba gourou ba kaka ba tikala Parole de bungalo Banga se roli ngongi Ba pomba ba tombola ye poro Ale kanzunguli konda ya teti na ee Nape ya risele na kini Nomade boule mana tango ya sipiritu ee Marcelo Mobidi ke barwa de chubu ee Tebakula Tebens, Mumbamoni Asmara Kumba Boucharos, Navier Tigre Tanga se roli ngongi ee Bomba batombola ye poro Nale kaka mfanduli konda ya teti na e Yango na peya karisele na peya Royome ya ndaka na mungali ye Rendezvous ya papeyi na bantukule Selo Bams, Didier Lubaki Na kobolo segeta dola divya nanga ya piki ika konyamba ba masta salumu kapitene afuluta e abwila lokese baya kamikili pona chiki makoma kote ka tungwengwe bakanakate mone okinawa epaya fatu na chateau rouge o godama kapulu gogona bele file na kote ya padi Hamburger zanga kate au juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, oh. Tokokuta na kaka na kinie. Pole, pole, pole, pole, chomwendo. Popol Lofimbo, Namidiju. Tiengo Ferre, Adida Kese, BDC Tijos. Na Luanda e Patiko Bange Blandine Asumani Constance Pere nanga koka mwakate Nalela kaba charme Nako kipe ko chanzele yo face Tina ndenge izali Tika kwele kwele sala bongama Na vivre mon pere we Libre comme elle Loko la petit chinois na zizi Jise Yangala Mbona ina na vinanga Ngabu kuleu Bukangama na forme moko ee Kelpe suwa kumbu Misusu petita bimi sakanga Bibende pamba pamba Kitendi yeloko pamba Srevro senyer kosa lubaka Lukola koyo ya plaka plaka Na gourmet 20-0, 20-0, 22-0, 23-0 0-0, inera de 0 Tokukutana na chakereu Bandeko babo lingo ezali bongo fula ngenge mokili mobimba kwa château du soleil, grand prêtre Franky Sedia. Wassama. Roger Mayemba, grande puissance. Comme ça, il y a mon pièce, la synchrose. Valérie Lo Sando. Quelle est la